À la foire, scène 2, près de la scène. Valérie et Philippe sont près de la scène. Ils regardent ensemble le programme des spectacles et des concerts. Il y a plusieurs spectacles, aujourd'hui et demain. Tu vois? Oui. Mais le spectacle des camions monstres a eu lieu hier. C'est bien dommage. Parce que j'adore les camions monstres. Et demain, il y a le Cirque de la Lune. Ils sont spectaculaires, ces gens. Regarde, les animaux sauvages, mon groupe préféré, vont jouer ce soir à 9h30. Tu connais leur musique? Ils sont sans sas. Bien sûr, j'ai leur nouveau CD dans mon baladeur MP3. Ils vont jouer tout de suite après le magicien. Mais c'est combien les billets? Ils sont trop chers pour moi. 20 $ chacun. Je n'ai que 15 $. J'ai 50 $ dans ma poche. Je peux te prêter 5 $. Tu es chouette, mais je ne veux pas prendre ton argent. Mais c'est 5 $, pas 100 $. 5 $, ce n'est pas une fortune. Toi, tu as toujours des dollars dans ta poche. Je ne veux pas que tu paies toujours pour moi. Alors, donne-moi l'hippopotame géant que tu as gagné au jeu de balle. Ça vaut bien 5 $. Alors, tu es certaine? Oui, je suis certaine. Donne-moi le bel hippopotame. Allons acheter les billets maintenant. D'accord, mais je vais te rendre les 5 $ quand même.